Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons cette émission spéciale qui porte sur les représentations médiatiques de la visite de Mark Carney en Chine. Nous avons parlé avant la pause de la précipitation du gouvernement canadien à vouloir entrer en négociation avec la Chine alors que le monde entier sait que le Canada doit impérativement se trouver des alternatives économiques pour faire face aux pressions exercées par le président Trump. Cette idée a d'ailleurs été clairement exprimée dans une discussion qui se tenait sur la chaîne CGTN en anglais, alors qu'on parlait carrément du Canada comme d'un pays se trouvant au bord du précipice, faisant face à une véritable crise existentielle dans sa relation avec les États-Unis. Mais le texte le plus intéressant que nous avons trouvé relatant la rencontre à venir entre les deux dirigeants a été publié le 14 janvier à 8h45 du matin sur le site du China Daily, un journal affilié au Parti communiste chinois publié en anglais. Ce texte, signé par Liu Tan, chercheuse au Centre d'études canadiennes de Guangdong University of Foreign Studies, me paraît le plus clair, autant sur l'approche, les attentes et les enjeux de cette rencontre pour la Chine, et c'est pourquoi j'y porterai une attention plus soutenue. D'abord, le titre de l'article parle d'un dégel des relations sino-canadiennes, mentionnant d'emblée qu'il s'agit d'une première visite en 8 ans, ce qui est en soi un signal fort de la volonté d'Ottawa de réajuster ses politiques face à la Chine. Poursuivant dans cette veine, l'auteur croit que la visite reflète un effort du Canada afin de développer une autonomie stratégique dans un contexte de transformation géopolitique globale. Entendons ici que, pour de nombreux intervenants chinois, le Canada devrait cesser de calquer sa politique étrangère sur les États-Unis et ainsi cesser d'être à la remorque de ceux-ci dans toutes leurs décisions stratégiques majeures. Par la suite, et c'est là que ça devient intéressant, on explique dans le détail la nature des fluctuations et les raisons pour lesquelles les relations diplomatiques se sont dégradées à ce point entre les deux pays. D'abord, selon le texte, c'est la détention illégale de Meng Wanzhou par le Canada en décembre 2018 qui a été le point de départ de cette détérioration des relations entre les deux pays. Ensuite, on dit que le Canada a suivi la parade des pays occidentaux qui interfèrent dans les affaires domestiques de la Chine, que ce soit sur la question des Ouïghours au Xinjiang ou sur les questions entourant Hong Kong et Taïwan. Et finalement, pour ajouter l'insulte à l'injure, le Canada a ensuite imposé des tarifs douaniers de 100% sur les véhicules électriques chinois. Or, on poursuit en expliquant que la Chine ne s'est pas laissée faire et que de ces nombreux gestes posés par le Canada n'ont pas eu les résultats escomptés et qu'ils ont plutôt entraîné des problèmes dans plusieurs secteurs de l'économie canadienne, dont le secteur agricole. L'article du China Daily soutient que le marché chinois est vital pour les producteurs canadiens et que la Chine a répliqué en imposant des tarifs de 100% sur le canola canadien, qu'on nomme « rapeseed oil », et sur d'autres produits agricoles. Un fait très important à noter ici, dans la liste des événements qui ont contribué à la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays, on mentionne les tarifs imposés par la Chine, mais on ne retrouve aucune mention de l'arrestation des deux citoyens canadiens en réponse à la détention de Meng Wanzhou. En fait, alors que tous les articles consultés faisant état de la détérioration des relations entre le Canada et la Chine mentionnent à la fois l'arrestation de Meng Wanzhou et la réplique chinoise qui est l'arrestation des deux Michael, nous n'avons trouvé aucune mention au sujet de cette réplique dans les journaux chinois. aucun journal chinois, aucun média ne mentionne le fait que la Chine a emprisonné deux ressortissants canadiens accusés d'espionnage suite à la détention de Meng Wanzhou. Même lors de la libération de Meng Wanzhou en 2021, qui avait été célébrée en grande pompe, rien n'avait été mentionné dans les médias chinois au sujet des deux Michael qui avaient pourtant été libérés dans les heures qui suivaient. Nous avons parlé d'honnêteté en début de rencontre. Voilà un bel exemple de l'épine qui demeure solidement ancrée dans le pied des relations entre le Canada et la Chine. Revenant à l'article du Global Times du 14 janvier dernier, on explique que les tarifs imposés par la Chine sur les produits agricoles canadiens ont fait doublement mal au Canada, puisque des rivaux du pays comme l'Australie ont commencé à vendre leurs produits en Chine pour compenser ce manque des produits canadiens. On explique ensuite les raisons pour lesquelles le Canada cherche à revoir sa politique face à la Chine, raisons qui sont essentiellement liées à la politique America First du président Trump, aux différents traités, aux différents tarifs commerciaux imposés au Canada par les États-Unis, mais aussi aux moqueries du président à l'égard du 51e État. Tout ça aurait donc fait comprendre au gouvernement canadien le risque d'une trop grande dépendance à l'égard d'un seul partenaire, ce qui expliquerait la volonté du Canada de se réaligner de manière plus autonome sur la scène mondiale, d'où la volonté de rapprochement avec la Chine. Le texte poursuit ensuite en énumérant les forces du Canada et des produits canadiens qui sont très en demande dans la classe moyenne chinoise, incluant principalement du blé de très grande qualité, des pois, du bœuf et des fruits de mer. Étrangement encore, alors qu'au Québec, on ne cesse de parler de l'industrie du porc qui a été affectée négativement par cette guerre tarifaire, on a l'impression ici que c'est surtout le bœuf canadien qui serait davantage prisé en Chine. Fait à noter, on mentionne au passage que les producteurs canadiens pourraient certainement augmenter leurs ventes en Chine, à condition qu'ils fassent preuve de plus de transparence dans leur chaîne d'approvisionnement et avec un meilleur alignement sur les standards de qualité de l'industrie alimentaire chinoise. Puis, l'article complète cette description des forces du Canada, rappelant que le pays possède la 4e réserve mondiale de gaz naturel et que, puisque la Chine veut réduire sa dépendance au charbon, elle pourra certainement bénéficier de l'expertise du Canada dans les technologies de capture du charbon, capture du carbone et de l'énergie hydrogène. L'article conclut en revenant sur le sujet de la confiance politique, rappelant au passage les commentaires inappropriés faits par le Canada au cours des dernières années, touchant à des enjeux fondamentaux de la Chine. Pour que la confiance revienne entre les deux pays, on suggère fortement au Canada d'avoir des résolutions stratégiques claires, de porter des jugements de manière indépendante et de faire des énoncés rationnels qui s'appuient sur des faits et sur les lois internationales. Ainsi, on croit qu'il est dans l'avantage du Canada de transcender la logique des alliances en fonction des valeurs, logique qui a longtemps dicté la conduite des affaires internationales. On suggère au Canada aussi de rejeter les biais idéologiques et de regarder le développement de la Chine de manière objective et surtout éviter de soulever des questions politiques à court terme au détriment des intérêts partagés par les deux côtés sur le long terme. Voilà donc en gros l'essentiel de ce texte paru dans le China Daily le 14 janvier, juste avant que ne débutent les rencontres diplomatiques officielles. Avant de parler très brièvement des résultats de ce voyage diplomatique, résultats dont les journalistes et commentateurs politiques parleront abondamment pour plusieurs jours encore, j'aimerais revenir sur les attentes à l'égard de la rencontre et aborder un dernier texte paru celui-ci sur le site d'Al Jazeera le 15 janvier. C'est un texte signé de Megha Bari et le texte présente cette visite diplomatique comme un moment pivot dans les relations entre les deux pays. Reprenant toute la litanie des sources de tension entre les deux pays depuis la dernière visite du premier ministre d'un premier ministre canadien en Chine en 2017. On parle évidemment de l'arrestation de Meng Wanzhou et de l'arrestation des deux citoyens canadiens comme mesure de représailles de la Chine. On parle ensuite des tarifs canadiens de 100% sur les véhicules électriques qui faisaient écho aux mesures américaines identiques. Puis, on mentionne que le Canada a accusé la Chine d'interférence politique et d'ingérence dans les affaires de politique intérieure au Canada. L'article se tourne ensuite vers la visite en soi qui est présentée comme un recalibrage, un changement de ton et un désir d'améliorer les relations pour le Canada, le tout étant causé par la détérioration des relations avec les États-Unis, causée par les tarifs sur le fer, l'aluminium et le bois d'œuvre notamment, et la menace de faire du pays un 51e État. Puis, on se tourne du côté de la Chine en disant que celle-ci cherche de nouveaux marchés et elle voudrait aussi faire disparaître les barrières tarifaires, mais plus que tout, on mentionne que la Chine voudrait faire de cette visite une victoire politique avec un récit narratif victorieux. On poursuit en mentionnant que la Chine a longtemps reproché au Canada de suivre aveuglément les politiques américaines et la visite de Carney va être interprétée comme une volonté de la part du Canada de corriger ses erreurs du passé, à savoir les erreurs commises par le Canada face à la Chine. Au final, on termine en soulignant que la Chine espère dans tout ceci que le Canada se range derrière elle sur des enjeux sensibles comme la question de Taïwan et les questions de la mer de Chine méridionale. À titre d'exemple, on mentionne aussi dans cet article de Al Jazeera la question des deux ministres libéraux qui ont écourté leur voyage à Taïwan pour ne pas froisser Pékin et ne pas semer de confusion à l'égard de la politique étrangère canadienne. Je mentionnerai en terminant au sujet de cette affaire, dont on trouve les détails dans un texte de Kate McKenna sur le site de nouvelles de la CBC en date du 12 janvier dernier, que les deux ministres libérales en question qui ont écourté leur voyage à Taïwan sont Elena Jackzet et Marie-France Lalonde. Celle-ci faisait partie d'une délégation de parlementaires canadiens invités par le gouvernement taïwanais, délégation qui contenait aussi trois ministres conservateurs qui, eux, ont plutôt choisi de ne pas écourter leur voyage et de rester malgré tout à Taïwan. Le ministre conservateur Michael Chong avait d'ailleurs accusé le gouvernement de Mark Carney de faire un coup tout symbolique devant l'autoritarisme de la Chine. Je terminerai ici en disant que sur la question du coup tout et de sa signification historique, nous aurons l'occasion d'en reparler au cours des prochaines semaines. Quant à savoir si Carney et les libéraux se sont prosternés trop bas face à la Chine pour compenser les délires et les comportements de notre voisin du Sud, seul le temps nous le dira. Pour le moment, je conclurai cette lecture de textes tirés de différents médias à travers le monde en rappelant les critiques du professeur Nagy. S'il est une leçon que l'histoire de la Chine nous a enseignée, c'est que les empereurs ont raffermi leur puissance sur leurs voisins en mettant en valeur les principes du « divide et impera », soit « diviser pour régner ». On l'a vu par exemple, rappelez-vous, à l'époque de la dynastie Han, alors que les empereurs avaient affaibli la confédération des Xiongnu en les jouant les uns contre les autres. Et d'une certaine manière, c'est exactement de cette manière que le gouvernement chinois gère actuellement ses affaires globales aujourd'hui. Rappelons le texte du China Daily qui mentionnait comme preuve pour montrer que le gouvernement canadien était perdant dans sa guerre tarifaire avec la Chine, le fait que l'Australie avait commencé à vendre du canola en Chine pour remplacer le canola canadien. Ce que le texte ne dit pas, par contre, c'est que l'Australie aussi avait été frappée de tarifs commerciaux exorbitants imposés par la Chine entre 2020 et 2024, notamment sur les vins australiens, des tarifs qui ont varié entre 100 et 200 %. Tout ça parce que l'Australie avait d'abord refusé que Huawei ne s'implante sur son territoire, mais surtout parce que l'Australie avait remis en cause le narratif chinois sur l'origine accidentelle de la COVID, réclamant ainsi une enquête internationale plus poussée. En négligeant de consolider des ententes avec ses autres partenaires asiatiques avant d'entrer en Chine, le gouvernement canadien s'est présenté en Chine comme s'il était lui-même une grande puissance. Mais au final, on est en droit de croire que ce n'est pas ainsi que le Canada a été reçu par la Chine. On retrouve dans le récit narratif de la rencontre le jeu d'une supplication narrative que tous les empereurs ont joué à travers l'histoire, reposant sur l'idée un peu farfelue que la Chine n'a pas besoin du commerce avec l'extérieur. La Chine n'a pas besoin de nous, mais qu'en retour, nous avons besoin d'elle, et parce que le Canada a corrigé ses erreurs et s'est amendé de ses fautes, la Chine, dans sa grande magnanimité, lui a ouvert les bras. Nous avons parlé brièvement d'esprit critique et d'honnêteté au début de cette émission, mais force nous est d'admettre que, tant et aussi longtemps que les médias chinois seront incapables de dire et de nommer des informations factuelles aussi simples que, par exemple, la Chine a arrêté deux citoyens canadiens comme mesure de représailles face à l'arrestation de Meng Wanzhou, une information qu'on retrouve dans tous les médias consultés dans le monde. Il faudra continuer à se montrer très critique et suspicieux face aux informations qui sortent de l'Empire du Milieu. Que doit-on conclure avec si peu de recul historique de cette rencontre au sommet entre le Canada et la Chine? Je laisse les commentateurs politiques qui nous décortiqueront les ententes et qui décortiqueront la signification, par exemple, de ces voitures électriques chinoises qui rejoindront le marché canadien et de la possibilité de voir les tarifs diminuer au cours des prochains mois. Mais au final, je me permets d'ajouter que c'est peut-être même le Québec qui a le plus à perdre dans toute cette histoire, non seulement parce qu'il ne semble rien y avoir pour réduire les tarifs face à l'industrie du porc, mais surtout parce que dans cette vaste conversation dont le thème était la réconciliation et le recalibrage des relations entre le Canada et la Chine, des relations que certains observateurs qualifient déjà de « Chinada », on pouvait entendre dans une discussion intitulée « Canadian Prime Minister's Visit to China, Why Closer Ties Matter ». Une discussion qui a été publiée sur la chaîne YouTube de CGTN le 15 janvier dernier. On entendait donc le professeur Sheng Tingli de l'Université Fudan proposer bien candidement que la Chine pourrait offrir au Canada une reconnaissance à l'effet que le Québec soit une partie inaliénable du territoire du Canada, donc une partie qu'on ne peut séparer, et qu'en échange, le Canada pourrait ne pas se mêler des affaires de Taïwan. Évidemment, ce genre de propos ne devrait pas susciter de réaction de notre part. Mais lorsqu'on entend Mark Carney s'adresser à Xi Jinping en lui disant qu'il s'inscrit dans la lignée de Jean Chrétien, et surtout, lorsqu'on sait que M. Chrétien était justement en Chine la semaine avant l'arrivée de la délégation canadienne pour préparer le terrain de cette rencontre, on est en droit de garder la porte ouverte pour une petite dose de soupçon et une dose d'esprit critique. Surtout connaissant l'intérêt de notre ex-premier ministre, son intérêt historique pour l'invalidation de la question référendaire du Québec. Quoi qu'il en soit, je m'arrête ici pour aujourd'hui et je laisse les commentateurs de l'actualité décortiquer pour vous cette entente. Et on termine en musique aujourd'hui avec l'une des voix les plus emblématiques de la scène alternative chinoise, la chanteuse Kang Mao, leader du groupe Subs, l'un des fleurons de la scène punk de Beijing. C'est une chanson qui nous rappelle un peu l'urgence d'agir, avant qu'il ne soit trop tard. Un peu comme ce que la délégation canadienne vient de tenter de faire en renouant contact avec une ancienne flamme. On termine donc l'émission d'aujourd'hui avec cette chanson de Subs. Le titre est « We won't have to wait someday ». Mon nom est Carl Derry et je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧。